mission nous, c'est bail parole là. Jacques Mel, Léo Gann, Rincoave, tigouave, tout le monde, c'est pas Wall Céleste. Toute la bande, j'aime.